On rêve d'un monde parfait. quelque chose et on rêve. On refait le monde la nuit. On boit quelque chose et on rêve. Ce monde parfait, personne n'aura de stress. Je rêve de ce monde parfait où chacun de nous. Thank you. Je rêve de ce monde.